N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice,